Ce matin, dans le cadre de notre semaine consacrée aux libérations de la France, la Fabrique de l'Histoire vous propose un documentaire en rediffusion, Les Voix de la Liberté. Aujourd'hui, demain et jeudi, nous allons vous raconter comment les médias de l'époque ont participé ou raconté la libération du territoire. Jeudi, nous débattrons avec Sylvie Lindeberg et Jean-Pierre Bertin-Magui des récits de l'occupation et de la libération au cinéma. Demain, nous vous expliquerons comment la radio libérée parisienne a raconté à chaud la reprise de la capitale par la résistance et les armées de la libération. Et le documentaire de ce matin, déjà diffusé en 2002 dans la Fabrique de l'Histoire et signé Philippe Modol et Christine Robert, vous replace dans les traces des armées alliées quand de jeunes gens aidèrent les voix de la radio de Londres à recréer de nouvelles antennes chargées de prendre la place de la radio de la collaboration. Jusqu'à 10h, dans la Fabrique de l'Histoire, les voix de la liberté de Philippe Modol et Christine Robert, avec les témoignages de Fernand Le Canut, Roger Sanson, Yvonne Meynier, Charles Mouly, Georges-Emmanuel Clancier, Henri Delbarry, Roger Pradallier, Luc Gérard, Pierre Cordelier, Maurice Jacob et Pierre Dadois. Toutes les vedettes, toutes les ondes, radio, radio, radio nationale, toute la radio dans un journal. Juin 1944, Lyon National. Dites-lui à trois valets de venir, on en a chien avec mon câble. Dépêche-toi, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Mes chers amis, je garde dans mon souvenir l'aspect des malheureux qui ont été blessés, n'est-ce pas, par ces engins qui sont en train de mettre la France dans une situation lamentable. On peut écraser le pays, mais on n'écrase pas l'âme de la France. État français, Radiodiffusion nationale. 14 mai 1944, Radio Vichy. Vous allez entendre un discours de M. Philippe Henriot, secrétaire d'État à l'information et à la propagande, sur la politique générale du gouvernement. Nous voici arrivés, vraisemblablement, à une des heures décisives de l'histoire de cette guerre, mais surtout de l'histoire du destin français. Vont-ils débarquer? J'ai le regret de vous dire que je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais. C'est que ceux qui, il y a 6 mois, attendaient le débarquement, le redoutent aujourd'hui. De mon caprice, l'inconnu. Les voix de la liberté ou la libération des ondes. Place of Cherbourg, the in front of the Hotel de la Ville, and General Collins, commander of the 7th Corps, has just arrived. C'est avec une profonde émotion et une joie intense que j'accueille aujourd'hui dans l'hôtel de ville de Cherbourg nos libérateurs. Jusqu'au 5 juin 1944, la chaîne nationale, la radio du maréchal, doutait. Avec elle, au sud, la toute privée Fédération française des postes de Laval. Au nord, Radio Paris et Rennes-Bretagne, relais de la voix du Reich. Autant dire que le 6 juin, si la libération est aussi celle de la radio, elle ne se fait pas en un jour. Et d'ailleurs, est-ce la libération de la radio ? La radio ne libérerait-elle pas le continent à l'image de ces bougies que Goebbels avait éteintes pour en faire son arme ? La magie du moment veut que la première n'ait jamais été éteinte, que la première ne soit pas une bougie, mais une étincelle dans la mer, là-haut, sur la presqu'île du Cotentin, que tout ait commencé un peu plus tard que le commencement. Un mois pour monter à Cherbourg. Cherbourg, premier port en eau profonde, premier devant New York, Cherbourg, tête de pont du pipeline en provenance de l'île de Wight, Cherbourg, nœud ombilical pour tuer Berlin. Car c'est à Cherbourg que l'armada la plus longue, la plus lourde, va rallier celle de Provence pour converger vers la capitale du Reich. Eisenhower le veut. Isoler donc la Bretagne pour mieux repartir, reconquérir l'Est. Mais toujours parler. Parler à la population, parler aux soldats. Déverser sur la France la voix de l'Amérique avec un peu de BBC sur le cœur. Le général de Gaulle, depuis Bayeux, n'a pas la même vision des choses. Les cahiers bleus de son secrétaire général à l'information, Pierre-Henri Tedjène, comptent bien installer des Français de la Résistance. Une radio, deux combats, Cherbourg, où tout a commencé. Monsieur le maire et citoyen de Cherbourg, nous sommes profondément touchés de l'accueil sincère que vous nous avez accordé. Par l'intermédiaire d'un camarade qui était à la mairie de Cherbourg, nous savions qu'un groupe d'Américains avait besoin, recherchait des jeunes. On était toute une bande de camarades, étudiants ou instits, pour les aider dans un service d'enquête, genre Gallup. Fernand Le Canu. C'est donc là que nous sommes allés. Et c'est au bout d'une semaine, je crois, qu'on a appris qu'à la Fauconnière, il y avait un poste qui allait se mettre en route. C'était le 3 juillet. Qu'est-ce que c'est, la Fauconnière ? La Fauconnière, c'est une hauteur d'Octeville, enfin, juste au-dessus de la gare de Cherbourg. C'est très joli. On est à peine 70 mètres ici d'altitude. Moins que ça. Le Roule se trouve, je crois, vers 70 mètres. Là, on doit être à 60, par là. Philippe Noir, France Bleu Cotentin. Et alors, c'est l'une de ces hauteurs qui a servi pour émettre la première radio. C'est ça, la fameuse radio, la première radio libérée de France. Et il y avait des grands arbres à l'entrée. Donc, là, il y a une barrière. Oui, il y a là-bas, une barrière blanche qui est dans le haut. On va aller voir. Il y avait un cortège de voitures qui emmenait là-haut le maire de Cherbourg, le docteur Renault, et différents techniciens, l'ingénieur électricien, le directeur technique des services de la ville, etc. Et en arrivant à la Fauconnière, bon, il y avait pas mal d'Américains, et dans la cour de la villa, un camion qui, on allait le voir après, allait servir à l'enregistrement. Voilà, nous arrivons à l'entrée de la propriété du docteur Flavier, dans laquelle était installé ce studio de Radio Cherbourg. Au parc de la Fauconnière. Voilà, au parc de la Fauconnière. Et sur la photo, on aperçoit, d'ailleurs l'arbre est tombé, il était abattu je crois, on aperçoit l'Américain qui monte à l'échelle en train de fixer cette antenne filaire pour assurer l'émission de cet émetteur. Et dans le bas, on aperçoit le perron de cette maison. C'est derrière cette grande fenêtre qu'il y a les équipements des studios. Et alors, dans la villa, il y avait le lieutenant Bérançon. Bérançon, tous ces gens-là parlaient un français impeccable. Hein. Bérançon avait été lecteur d'anglais à l'université de Rennes avant de regagner l'Amérique en 1941. Bérançon interrogeait donc les personnalités qui étaient montées. Et nous, dans la cour, les copains et moi, on regardait l'enregistrement. Il n'y avait pas de magnétophone à ce moment-là. C'était un disque qui se gravait au fur et à mesure. Et quand le disque a été gravé, on a su que c'était pour une émission d'inauguration le lendemain. Et Bravi Kims, car j'ai su après son nom, c'est un seul lieutenant qui nous avait invités, nous a dit « Nous redescendons en ville pour enregistrer les cloches du vœu ». Pendant l'occupation, les cloches ne sonnaient pas, évidemment. Et on a fait sonner les cloches du vœu, je ne sais pas quelle heure elle était, en fin d'après-midi, ce qui était un peu surprenant, mais c'était pour enregistrer la sonnerie des cloches comme indicatif de Radio Cherbourg. À ce moment-là, nous avons lié conversation avec Bravi Kims, et il nous a dit, ou il m'a dit, je ne me souviens plus, « Si vous avez des choses intéressantes à dire, mettez-les sur papier et on les passera à l'antenne. » Radio Cherbourg, le premier poste sur le sol libre de la France, adressant tous les Français. Ça a commencé donc précisément le 4 juillet. le soir. Nous avions, enfin je dis nous, le poste avait des tranches horaires d'un quart d'heure à peu près. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je donnais des papiers à la fauconnière, et le soir, ils étaient lus, selon les jours et selon l'intérêt, par un autre camarade de la banque qui s'appelait Maurice Durchon. C'est lui qui était le speaker de Radio Cherbourg. Et j'étais aussi avec mon camarade Marcel Boivin. Je reviens du front de Cherbourg. Je vous parle d'un micro installé dans un camion radio. Le camion est camouflé dans un pré normand sous un petit bouquet d'arbres. Son camouflage s'appuie à des pommiers au tronc moussu dont il prolonge les couleurs fanées. L'herbe est jonchée de pétales blanches tombées des arbres encore en fleurs. C'est comme un tapis qui aurait été jeté entre les haies. Vous ne pourriez rien imaginer de plus paisible, de plus doux, de plus distant de la guerre. Et pourtant, pour arriver ici, j'ai traversé des bourgs et des villages ravagés. De la ligne de feu, je garde encore dans la bouche des grains de cette poussière blanche de Normandie qui crisse entre les dents. Dans les narines, l'odeur de la guerre. L'odeur de la poudre rabattue vers moi par le vent marin depuis une pièce anti-char en position au détour d'une route. L'odeur de la terre dans laquelle je me suis couché souvent pour laisser passer une rafale. L'odeur de la mort aussi. L'odeur sucrée, pénétrante, insistante qu'exhalent les tués avant qu'il soit possible de les emporter vers les cimetières militaires. Aussitôt que les gens ont su qu'il y avait Radio Cherbourg et qu'ils ont pu remettre en service leur poste de TSF, puisque les Allemands, en principe, ils avaient tous raflé. Mais enfin, avec la ruse que l'on connaît aux gens, les postes étaient quand même restés dans un grenier. Et aussitôt qu'ils ont pu avoir du courant et écouter la radio, ils ont été très satisfaits de Radio Cherbourg. Peut-être pas des chroniques que nous donnions, mais de toutes les informations qu'ils recevaient d'intérêt local. C'était inclus dans les émissions « Les Français parlent au français ». Donc, ils avaient l'émission générale et ils avaient l'émission locale. Et je crois que les gens ont apprécié. C'est aussi une forme où Radio Cherbourg a joué vraiment un rôle. D'être partie prenante dans une grande émission pour apporter la vie des gens dans leur petit coin. C'était quand même important ce poste. Retrouver tous les camarades. Et puis que tous ensemble, on entre dans des services délibérateurs pour parler si c'était formidable pour nous. Parce qu'on avait 20 ans, quoi, 24 ans. Juillet 44. À l'école de la radio, Fernand Le Canut s'imprègne d'un nouveau style, un style anglo-saxon, celui de The Voice of America pour la rythmique, la musique, celui de la BBC pour le journalisme. Une nouvelle radio moins innocente qu'elle n'en a l'air et dont les rivalités de conception cachent mal l'objectif politique. À Radio Cherbourg, il y avait donc les flashs d'information, les papiers que nous donnions et quelquefois des disques. Qui avait apporté les disques? Ils avaient débarqué avec un camion de disques. Oui. Le camion radio avait tout le matériel radio et une discothèque pas mal fournie. Hein. Si je l'avais eu chez moi, j'aurais été content. Vous en aviez déjà vu un camion de radio avant? Ah non, pas du tout. Quand Ims m'a demandé de participer au travail, je découvrais absolument ce que c'était que la radio. D'ailleurs, Ims a été mon mentor, si l'on peut dire, car il m'a expliqué que la parole orale n'est pas la parole écrite. Et que quelquefois, quelque chose qu'on a dit dans un premier paragraphe, si l'on veut, il faut le reprendre sous la même forme ou sous une autre forme, dans un deuxième paragraphe, car il y a des choses que l'auditeur entend, mais qu'il ne saisit pas toujours du premier coup. Surtout que là, on avait perdu l'habitude. Bon, les papiers que nous avons faits, ce n'est pas des merveilles. La fibre patriotique, vous travaillez un peu, alors c'était un peu grandiloquent. Est-ce que ces anglo-saxons-là, ils ne sont pas venus là vous apporter justement, en plus de la liberté, autre chose, quelque chose de nouveau? C'est sûr. Là, le gros apport, ça a été le service des enquêtes où je travaillais dans la journée, et où on allait donc dans les différents coins de campagne. Le matin, une jeep nous déposait à un endroit avec les rations K pour le midi. Elle nous reprenait le soir. C'est là que j'ai appris à parler à des inconnus et à poser des questions et à écouter ce qu'on me répondait. C'est quand même important aussi, ça, l'échange. Là, je crois que je l'ai appris, là. J'ai arrêté ma voiture et j'ai cherché à me reconnaître. Tout d'un coup, je me suis retrouvé. Oui, j'ai bien suivi cette route, cette grande route de Cherbourg. Je l'ai suivie voici 4 ans, tandis que les premiers jours de juin 40 consommaient notre défaite. Je l'ai suivie, tandis que les premiers motocyclistes allemands conquéraient derrière moi tous ces villages normands. Aujourd'hui, je la retrouve, je la suis, dans les deux sens. Mais je croise ou je dépasse des troupes alliées qui poursuivent l'allemand, le rencontre et le vainque. Aujourd'hui, nous sommes les maîtres. On s'est vite rendu compte, à l'écoute de la radio, que ce que visaient les alliés, c'était couper la presqu'île pour pouvoir avoir cette tête de pont, une sorte de tremplin pour aller plus loin. Et à ce moment-là, on savait que c'était eux qui allaient mener la reconquête, si on peut dire, et pousser beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, les Alliés ont fait cet effort de, plutôt que d'aller directement sur la vallée de la Seine et sur Paris, ils ont fait l'effort d'aller sur Cherbourg. Là, ils ont pu lancer leur première radio, la vôtre. Ensuite, ils vont tout faire pour essayer de rallier, ben justement, ce qui va finalement justifier votre disparition, la fin de Radio Cherbourg, c'est-à-dire descendre, faire la fameuse percée d'Avranches, et puis descendre sur Rennes, la fameuse voie de la liberté. Si Cherbourg n'est pas au kilomètre zéro de la voie de la liberté, il est néanmoins le point de départ au nord-ouest de la caravane des libérateurs. La caravane des généraux Bradley et Patton. Une caravane homonyme aussi des voies de la liberté. En jalonnant les nationales et les départementales de Cherbourg à Luxembourg, les bornes dessinées par François Cognier rappellent que la liberté est indissociable de l'emplacement des émetteurs et des studios. Première étape, Rennes. Roger Sanson. On peut dire qu'à partir du 1er août, eh bien c'est là que, disons, le saccage des émetteurs a eu lieu. Il a eu lieu d'une façon méthodique. L'émetteur de l'Alma, lui, voyait ses pylônes tomber. Les Allemands qui étaient là n'étaient pas des spécialistes. À coups de marteau ou à coups de crosse, ils ont cassé les appareils de mesure. Étant donné que ces émetteurs étaient des émetteurs de petite puissance, il fallait, dans les grandes villes, mettre un émetteur en fonctionnement, pratiquement en arrivant. Sauf que Rennes avait un émetteur puissant. Rennes avait un émetteur puissant à Rennes même, dans la ville. C'était un accident de parcours de l'exploitation d'autrefois. L'émetteur puissant était à Toury. Et à Toury, c'était surveillé par des spécialistes. Dans cette caravane, il y a déjà du matériel qui va servir à remettre en place les émetteurs ou à rebrancher les émetteurs. Donc, ils l'avaient prémédité, ça, les Américains. Ils n'avaient pas prémédité, de rebrancher les émetteurs, mais ils avaient prémédité d'amener des moyens mobiles radio. Des camions studio, il y en a un qui a fonctionné à Rennes, des camions pylônes et des pylônes remontables rapidement, exactement comme les ponts que l'on jette sur l'eau. À une trentaine de kilomètres au sud de Rennes, derrière la frondaison des conifères, des haubans partent vers le ciel sans jamais laisser transparaître ce qu'ils soutiennent. À pied, Roger Sanson et Henri Delbarry reviennent sur les lieux d'un crime, celui d'un émetteur trop puissant. On le voit le long de la route, il y a des bornes de la Voie de la Liberté jusqu'ici. Oui, parce que c'était la route du Sud. Ils descendaient pour rejoindre Nantes-Saint-Nazaire. Alors ce beau bâtiment que vous voyez là, c'est un des premiers bâtiments en béton armé qui a été fait sur la région, disons. Il a été très solide puisqu'il a été bombardé, il y a eu des bombes qui sont tombées un petit peu partout. Le bâtiment a résisté. Où est-ce qu'on est là, Henri Delbarry ? Nous sommes à Toury, nous sommes donc à l'endroit de l'ancien centre émetteur. Alors on voit là ce bâtiment blanc, typique alors, des années 30. Attention. Et dessus, qu'est-ce qu'on peut y lire d'inscrit dans le béton? Bon, alors, sur ce béton, il y avait, vous voyez maintenant inscrit, radiodiffusion. Mais il n'y a pas longtemps encore, c'était marqué PTT. Parce que le bâtiment a été construit sous l'emprise des PTT à l'époque. Pour les gens du pays, ça a été une innovation quand le bâtiment a été fait. Pour eux, ça a toujours été le château. Ici, c'était le château. Alors, nous, c'était les gens du château. Ah, on va rentrer par là-bas. Ouais. Rennes-Toury rayonne jusque sur la Côte d'Azur. C'est alors l'émetteur le plus puissant avec celui de Paris-Villebon. Et ce sera là son tendon d'Achille. Les deux lignes arrivaient là, les deux lignes de tension, 15 000 volts. Ouais, il fallait tirer des lignes jusque-là. Deux lignes 15 000 volts qui arrivaient là. L'une de Châteaubriand, l'une de Rennes. Oui, comme quoi il avait quand même un rôle stratégique cet émetteur. Ah oui, oui, mais d'ailleurs il était classé comme stratégique. Hein. Ouais. Oui, oui. C'était classé défense aussi, tout ça. Tous les émetteurs sont des emplacements stratégiques pour la raison suivante, c'est que tout le système d'émetteurs permet de faire un guidage général de tout le territoire, ainsi que vers la mer. C'est à partir des rayonnements des émetteurs, de la topographie des émetteurs, qu'on peut savoir où nous sommes. C'est qu'à l'époque, il n'existait pas le GPS qu'utilisent maintenant les navigateurs. Donc c'était le réseau des émetteurs qui servait à se repérer. Alors on imagine que les Allemands, en arrivant en Bretagne, ils ont pris cet émetteur comme du pain béni. Ils sont emparés de ça, évidemment, et ils ont passé des émissions allemandes. Enfin, c'était des émissions en français, mais allemandes. Dans les émissions, toutes les 3 minutes, il y avait un bip-bip qui était diffusé, et c'était le radioguidage, disons, qui pouvait servir à l'aviation allemande, mais bon, ça servait aussi aux Alliés. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs, qu'ils ne l'ont pas détruit, ils ne l'ont pas bombardé eux-mêmes. Et avec le camarade Vio et tout cela, on avait obtenu que s'ils devaient être bombardés, ils nous préviennent. Ils nous préviennent par un message pour pas qu'on reste là tout de même. Jusqu'à un certain jour où, lors du débarquement allié, Londres n'a plus répondu. Et c'est là où nous avons été bombardés. Ils ont mitraillé le poste. Alors on est parti. On est parti. On dit bon, c'est plus de la rigolade. Quoi. On est parti. La première fois, c'est un dimanche matin. Mais c'est les Allemands quand même qui l'ont détruit, vraiment. Les Alliés l'ont bombardé, ouais. Mais les Allemands l'ont détruit après. Lorsqu'il y a eu des débarquements du côté de Cherbourg et, ouais. Et tout là, ils ont commencé à tiquer. Et alors les techniciens allemands qui étaient là n'étaient pas des fanatiques. Ouais. La plupart n'étaient pas des fanatiques. Alors ils ont reçu l'ordre ouais. de saboter le poste. Quoi. Et alors, le génie allemand, disons, moi je disais le mauvais génie allemand, ils sont venus pour faire sauter le pylône. Et alors, moi, j'étais sur la butte, tout à fait là-haut, dans ces maisons là-haut. J'étais chez des amis et j'ai vu tomber le pylône de là-haut. Et ils sont partis, tous ils sont partis, à toute vitesse, ils ont fait leur travail et ils sont partis. Sabordé par les Allemands, l'émetteur de Rennes-Toury va paradoxalement redonner de l'importance à celui de Rennes-Alma, au centre de la ville, alors que lui aussi pourrait être détruit. Il n'avait pas pu tout casser. Notre cabine, haute tension. André Bouzin, chef de centre à l'Alma. Qui était alimenté par le service de distribution électrique. Maintenant, on dirait que c'est l'EDF. Cette cabine-là était encore en bon état. C'était un émetteur d'une puissance d'une trentaine de kilowatts et qui comportait une grande salle avec naturellement transfo, tension, tourelle de lampes. Pupitre de commande et de réglage, évidemment. Salle des machines. Et puis, la poste avait encore ses liaisons téléphoniques. Par conséquent, nous pouvions profiter de tout ça. Ah oui. Hôtel des Postes, centre de Rennes, Roger Sanson. Vous reconnaissez cette salle ? Absolument, je la reconnais. C'était la salle qui servait de centre de modulation, ça s'appelait un CDM. Alors ici, sur la gauche, il y avait tous les amplificateurs, amplificateurs d'arrivée des programmes de Paris, ou bien aussi bien des programmes pouvant provenir de voitures de reportage. Et de l'autre côté à droite, il y avait tout un ensemble d'appareils de mesure, d'ampères-mètres, de voltmètres. Et alors ça, quand les Américains arrivent aux alentours de 10h du matin, le 4 août, ils le trouvent en état de fonctionnement ? Non, c'est plein de gravats partout. Les accumulateurs sont recouverts de plâtre. Vraiment, tout est en très mauvais état puisque les cloisons qui se trouvent autour sont tombées. Si bien que le studio n'était pas en état de fonctionner. Donc les Américains voient ça. Oui. Ils doutent du fonctionnement des studios à l'Hôtel des Postes. Et finalement, par mesure de précaution, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se recentrer sur l'émetteur de la rue de l'Alma, c'est ça, non ? Tout simplement parce qu'ils se déplaçaient non pas seulement avec des émetteurs de secours, mais ils se déplaçaient également avec un studio mobile. Ils auraient donc pu fonctionner. Peut-être ont-ils fonctionné un petit peu avec, mais comme les techniciens de l'émetteur de l'Alma étaient des techniciens, disons, assez adroits, quand les Allemands, qui n'étaient pas des techniciens, c'était simplement des gardiens, on leur a dit de tout casser. Le génie, lui, a fait son travail, proprement, si on peut dire, les pylônes sont tombés. Mais l'émetteur, qu'est-ce qu'on a cassé ? Les appareils de mesure, ça se voyait, donc des coups de crosse dedans, des coups de marteau. Les lampes, c'est du verre, on les a cassés aussi. Mais les transformateurs, tous les organes, disons, qui ne brillaient pas, en quelque sorte, sont restés en état. Si bien que les techniciens ont amené le matériel qu'il leur fallait, ont remplacé les lampes parce qu'ils en avaient caché quelque part, et l'émetteur a fonctionné exactement 2 semaines après l'arrivée des Américains. Rennes-Alma fonctionnait de nouveau. Il a quand même fallu 15 jours. Il a fallu 2 semaines, oui, parce que c'était pas rien. Les touristes, il a fallu 4 ans pour les remettre en état. Et alors ici, là, à l'Hôtel des Postes, vous réintégrez en quelque sorte les studios. À partir de quand ? Une quinzaine de jours après, aussi. On peut dire que le matériel était nettoyé, les cloisons n'étaient pas en état, mais on pouvait, disons, diffuser à partir de ce moment-là. Donc alors, vous avez diffusé avec Victor Genton ? Victor Genton a été nommé le directeur régional de la radio, au même titre que Henri Fréville était directeur de l'agence France Presse. Monsieur Milon était nommé maire de Rennes, Monsieur Le Gorgeux était nommé préfet régional. Tout ça avait été prévu par le CNR et le général de Gaulle. Ils voulaient qu'une administration française prenne les lieux et dirige eux-mêmes et que les Américains ne fassent pas un protectorat, même provisoire. Et à ce moment-là, Monsieur Genton, qui était futur adjoint au maire de la ville. Yvonne Meynier, chroniqueuse à Radio-Bretagne, premier poste officiel de la radiodiffusion française. M'a dit, mais on va ouvrir, on va commencer tout de suite. Il n'y a pas évidemment de studio, mais les Américains mettent leur camion à notre disposition. Et là, donc, eh bien, un jour, une petite jeep est venue me chercher à la maison, m'a amené du côté de l'Alma, où tout était écrasé. On marchait sur du verre, on marchait sur des débris de toutes sortes, et puis il y avait le camion américain. Et avec beaucoup de courage et avec un trac absolument fou, j'ai commencé. on m'a dit, bon, alors vous vous mettez là, vous asseyez, on me montre comment il fallait faire. Il y avait M. Vacher qui était speaker, qui m'a fait signe et qui me montrait, me levait le doigt, me baissait le bras. Radio-Bretagne me demande de m'adresser aujourd'hui aux jeunes filles qui hier c'était il y a 4 ans, avaient 12 ans, 13 ans ou 14 ans et qui ont dû passer toute leur adolescence dans un monde inhumain. Alors, évidemment, à 13 ans, autrefois, c'était des promenades à bicyclette, c'était l'étude ou l'apprentissage dans le calme, à la sortie de la messe, un petit péché de gourmandise dans une bonne pâtisserie. J'ai parlé d'abord d'une voix tremblotante, et puis au fur et à mesure que je parlais, je me disais, on dirait la voix de ma grand-mère, mais c'est abominable, certainement, on ne va pas me garder là, ici. Puis ça s'est très bien passé. Et après, quand même, c'est un Américain qui m'a dit « Very well, very well, mais vous, trop triste. » Alors, j'ai pris le sourire que j'ai gardé d'ailleurs pendant 33 ans. Des magasins désaffectés, inadaptés. Il a fallu attendre une coqueluche providentielle pour avoir droit à plus. Roger Sanson. Vous êtes dans l'escalier, enfin dans la cage d'escalier qui se trouve en arrière de la cabine de prise de son. Et c'est ici que nous réalisions les effets théâtraux. Ça vous servait de chambre d'écho, là. Et dans le studio, par contre, comme nous n'avions pas beaucoup, nous ne faisions pas d'enregistrement, tout se passait en direct. Il fallait donc mettre au point ces enchaînements. Et dans le studio, il y avait les machines à bruiter. C'est-à-dire, il y avait la machine à faire le vent, il y a la machine à faire le tonnerre, tout ça. Ce sont des classiques des bruiteurs. Et les comédiens, ils venaient ici en direct, dans l'escalier ? Ici, oui. Et vous allez tirer un fil, un câble ? On tirait le micro du studio. Ils passaient par les portes, on laissait les portes entrouvertes et on les faisait là. Alors, par la suite, naturellement, l'enregistrement est arrivé. En 1945, on avait notre première machine d'enregistrement fixe dans le studio. Et nous avions des moyens d'enregistrer en reportage. Nous avons reçu du matériel presto des Américains. Les Américains avaient leur machine d'enregistrement sur disque que nous n'avions pas encore ici à Rennes, mais qui existait à Paris. L'équipe technique était une équipe technique de région, c'est-à-dire une dizaine de personnes. Il faut des gros moyens pour assurer des émissions 24 heures sur 24, surtout à cette époque-là où le matériel est un matériel lourd. Hein, ce n'est pas une petite radio locale avec des moyens maintenant. Quand même. Oui. Alors là, bon, bien, comme tout se passait pratiquement en direct, ben, les gens défilaient devant le micro, les disques tournaient, et puis par contre, on avait des musiciens. Tenez. Alors là, vous voyez, vous avez un ensemble d'une vingtaine de musiciens. Il pouvait en contenir 45, quoi. Cela dit, c'est une radio qui était totalement coupée du reste de la France jusqu'au 1er octobre 1944. Vous aviez une première mission, c'était celle d'arroser le plus loin possible vers Paris les auditeurs, notamment de cette région parisienne, qui étaient encore sous la coupe de Radio Paris. Ça aussi, c'est important. Il a fallu, au fur et à mesure de l'avancée des troupes, organiser la radio lorsque c'était possible. Or, tous les gros émetteurs de France étaient arrêtés, à l'exception de l'émetteur de Nieul. Grâce à l'équipe qui l'exploitait, parce que c'était en même temps un mouvement de résistance. Ensuite, remonté sur Paris, et Les Français parlent aux Français a été transféré de Londres le 20 août. août, 21 août 1944. Journée glorieuse pendant laquelle Paris, après 4 années de pression, se libère lui-même. Et parmi le crépitement des fusillades, un murmure naît et va bientôt s'amplifiant. On entend la radio française marche. Ce que nos auditeurs ne savent pas, ce sont toutes les difficultés, particulièrement celle d'ordre technique qu'a eu à surmonter la radiodiffusion française. 20 août à Paris, 20 août à Toulouse. La radio est libérée, la radio se libère. Toulouse, second lot d'émetteurs, telle une vaste poche entre la caravane du Nord, en route depuis Cherbourg, et la caravane du Sud, qui se met en place vers Marseille. Trois zones donc pour cette radio qui éclot différemment selon que les troupes militaires, alliées et françaises, où les FFI, en place, les libèrent. Montage en parallèle d'un péplum. Retour sur image, Paris. Au studio d'essai de Pierre Schaeffer, Pierre Crenès, un jour après Rennes, répète la formule que Jean Marin a fait inaugurer en Bretagne et qu'il colportera au sein de la caravane alliée jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Ici, radiodiffusion de la nation française. À la différence de Radio Bretagne, Paris National ne fait que du maquage. Un sigle dans la voix, un disque, jusqu'à ce que les troupes du général Leclerc évincent les Allemands. Paris, 22 août. L'interlude de la liberté s'entend maintenant sur 3 fréquences. Premier bulletin d'information. 23 août, premier reportage. Le projet de Jean Guignebert se met en place. À partir de dimanche prochain, notre programme de la radiodiffusion française sera relayé de 21h30 à 22h par la BBC sur ses longueurs d'ondes habituelles et de la sorte. Pour la première fois depuis la libération, la voix de la France sera entendue en direct dans le monde entier. Écoutez et souvenez-vous. À Paris National, quelques grands noms commencent à se faire remarquer. Pierre Sabag, Raymond Marcillac et Roger Pradalier. Ça a été une période très agitée. Et à ce moment-là, j'ai donc interviewé les généraux américains qui parlaient français. Et nous en avons profité à la rue Bayard pour enregistrer De Gaulle, aussi bien De Gaulle que les généraux français, les généraux russes même. On se payait ce luxe. C'était de la libération des ondes, c'était de la libération des journaux. Donc la rue Bayard était vraiment le centre de la radio à ce moment-là. Allez, allez, allons-y, enchaînons vite, perdons pas de temps. Toulouse. Alors que les troupes alliées débarquées en Normandie inaugurent un grand mouvement de libération des radios par le Nord, Cherbourg, Rennes, Paris et plus tard Strasbourg, alors qu'elle s'apprête à générer le même mouvement dans le Sud-Est, elle semble être prise de court dans le Sud-Ouest où aucun débarquement ne les a propulsés sur le terrain. Cette opportunité, les FFI la saisissent. Ils coordonnent les actions militaires et la mise en place de l'administration civile, relevant ainsi l'honneur d'une radio française qui s'était jusqu'à présent laissée libérer plutôt qu'elle ne s'était libérée. Le 20 août, sous l'ordre du commissaire de la République de Haute-Garonne, Pierre Berthaud, le poste privé Radio Toulouse, moins endommagé que Toulouse-Pyrénées, démarre. J'étais speaker à Radio Toulouse, le poste privé. Charles Mouly, billettiste. Et alors, arrive la libération, je ne vous passe sur les détails parce que là, on n'en sortirait pas. Mais je rentre le 20 au matin à Radio Toulouse pour trouver le poste pris par les FTP. Il y avait un garçon sur la porte qui me dit « On t'attend, on vous attend, il faut faire l'émission, il n'y a personne pour la faire, alors vous montez là-haut. » Et alors c'est là, je peux dire que j'ai vécu un moment historique, j'étais le premier à déclarer devant le micro « Ici, Toulouse libre. » Toulouse libre et Toulouse fière. Et alors, dans la foulée, il a fallu s'occuper de faire une émission quand même. Il a fallu passer des disques, il fallait que ça reprenne vie. Bon, au départ, on n'était pas très nombreux. Et on m'a confié la responsabilité d'organiser le programme. Et c'est à ce moment-là que, moi, toujours imprégné de mon occitan, une de mes premières idées, mais si ce n'est la première, ça a été d'inscrire une émission de variété en occitan, qui durait trois quarts d'heure, qui s'appelait les Pescofis, parce que j'avais pris comme indicatif le chœur des Pescofis, qui est un chœur célèbre à Toulouse, que chantaient les pêcheurs toulousains quand ils allaient pêcher à Pinsaguel, comme on dit. Et cette émission, où allait naître un personnage qui s'appelle Catinou, a fait tilt. Les Kundalas, les hommes de la Balocho, les Diotina, les hommes de Carnaval. Hier, à Limoges, le général de Gaulle a été l'objet de la part de la population d'un accueil vibrant d'enthousiasme et aussi extrêmement touchant. Je ne puis résister au désir de vous faire encore entendre les voix fraîches des enfants qui l'accueillirent hier à la mairie de Limoges. 22 août, Limoges. Deuxième poste auto-libéré. Georges-Emmanuel Clancier, directeur de la station. On avait prévu avec la mousse des émissions régulières, pas très longues et pas très nombreuses, qui étaient essentiellement des émissions parlées, comme on en disait à cette époque, Je me souviens que personnellement, je faisais notamment une revue de presse quotidienne. Et puis beaucoup donc de causeries. Et je me souviens toujours, moi, notamment d'une causerie du capitaine F.F. Lamousse, qui commençait, ces mots m'étaient restés dans l'oreille et dans la mémoire. Oui, désormais, il y a quelque chose de changé. Et quand il disait cela, je me suis aperçu rapidement, justement à Radio Limoges, que ce n'était pas facile de changer les choses, parce qu'il y avait une administration et technique et administrative, si j'ose dire, qui datait peut-être même d'avant la guerre, si vous voulez, mais dont on a très vite senti, Lamousse et moi-même, qu'il y avait une grande hostilité à l'égard de ces usurpateurs que nous étions. C'était l'esprit manifestement de l'administration, administrant la comptabilité, administrant la technique. Avec la collaboration de Jean Bacon et Robin Scott de la BBC, Georges-Emmanuel Clancier vous présente... Porcelaines anglaises, porcelaines françaises. Peut-être était significatif aussi d'une France qui, en apparence, paraissait peut-être unie, mais qui restait probablement très, très divisée. C'était un malaise, si vous voulez. Finalement, cette radio Limoges de la Libération, c'était un peu la radio des enfants terribles, la radio de l'insurrection. Oui, c'était jeune et ça n'a duré que quelques mois. Ici Limoges, radiodiffusion française, dans quelques instants, relais de Paris, programme parisien. Marseille libre! Marseille glorieuse! Marseille qui sort de ses douleurs! Marseille, 31 août. Troisième groupe d'émetteurs libérés, celui de la caravane sud. Hélas, nous le savons bien. De Gaulle savait très bien l'importance que pouvait avoir, puisqu'il n'y avait pas de journaux qui allaient apparaître, mais que la radio pouvait démarrer tout de suite. René Négelen, nommé directeur général par le gouvernement provisoire, appelle Pierre Cordelier au journal Parler de Marseille. Les câbles étaient coupés entre Réaltor et Paris. C'est-à-dire que nous faisions des bulletins d'information qui étaient des bulletins d'information complets. On n'avait même pas un fil, ce qu'on appelle un fil, vous savez, ces appareils autrefois qui vous donnaient les nouvelles. Les nouvelles nous étaient données par la préfecture, par l'état-major, etc., etc. Et nous avions un censeur qui, pour qu'on ne dise pas de bêtises, venait contrôler tous les bulletins d'information. Et c'était un Britannique. Au début, il y avait des infos et des disques. Mais j'avais déjà des idées. Et j'ai fait, par exemple, des petites émissions de variété. Je me souviens, j'en ai fait une qui était l'alphabet. Alors j'ai commencé de A à Z. Alors je faisais une émission sur tout ce qui évoquait la lettre A, puis la lettre B. Puis... C'est un exemple. C'était des émissions qui étaient faites avec très peu de moyens, avec quelques disques et quelques enchaînements. Il n'y a pas eu tout de suite de très grandes émissions. TV, vite, ça recommence. La lanterne, le tambour, ils sont là-dessous. En avant. Allez, en avant. Comment dire à Lyon toute l'émotion, toute la gratitude que j'ai l'honneur de ressentir en me trouvant dans cette capitale gauloise. Ensuite, la capitale de la 12 jours plus tôt, 2 septembre, Lyon, rive gauche. Alban Vistel, des mouvements unis de résistance, annonce avec un jour d'avance que la ville est libérée. Le studio, cours Gambetta, est déjà aux mains des insurgés. Et si les installations techniques sont encore aux mains des nazis, un petit émetteur des usines SFR va servir de relais provisoire. Un comble pour Lyon National, le centre nodal de l'ancienne zone sud, par où passaient toutes les émissions de Radio Vichy. La libération s'est faite le dimanche 3, à 8h30 du matin. J'étais à Lyon à ce moment-là. Maurice Jacob. Il y a eu des passages de FFI. Et le mardi 5, au matin, on est venu me chercher de la préfecture pour me nommer directeur artistique de la région radiophonique, Rhône-Alpes, avec le poste de Lyon PTT qui reprenait ses émissions. J'ai accepté, bien entendu. On est descendu à bicyclette, à cette époque, pour aller jusqu'au courant bêta à la radio. Pierre Dadois. Il était technicien de l'époque, je peux même citer leur nom. C'était Pierre Jacquet et Georges Fluzin, avaient démonté, se doutant un petit peu de ce qui allait se passer, avaient démonté une console, une cabine de programme pour pouvoir faire face dès que possible, disons, quand la libération arriverait. Et la libération est arrivée, et les émetteurs ayant été détruits par les Allemands, il a été utilisé donc, par les techniciens. Ils ont remis en service un brouilleur. Et c'est un émetteur comme ça qui a été modifié pour être utilisé. Il a été utilisé dans les 24 heures après la libération de Lyon. Et on a repris comme ça, dans des conditions du reste extrêmement modestes au début, parce qu'on avait juste l'émetteur de Fourvière qui émettait sur la ville de Lyon, pas beaucoup plus. Alors on avait donc un émetteur peu puissant. Et ensuite, Paris nous donnait que quelques heures par jour, 2 heures ou 3 heures. Alors on avait des commentaires, on avait quand même un journal parlé, naturellement assez important, qui était tenu par un homme, Nicolas, je me souviens. Et moi, j'avais quelques émissions musicales. Souvent des commentaires d'œuvres, par exemple. On donnait une œuvre et puis on enregistrait sur disque. Alors on faisait passer le disque et on commentait. C'était des commentaires qui étaient préparés, qui paraissaient improvisés et qui devaient paraître improvisés, étaient en réalité tapés à la machine, écrits très sérieusement avant. Mais on tâchait d'être aussi naturel que possible. Et entre ces émissions, est-ce qu'il y avait un speaker, une speakerine? Oui, on avait 2 speakers. Je sais encore leur nom, l'un s'appelait Velu, l'autre s'appelait Guillot, enfin, je les ai bien connus. Rue Béchevelin, notre orchestre s'est déplacé et avait choisi l'emplacement où était l'orchestre de Laval. Alors, ils avaient plus de place, c'était certainement, et l'acoustique était meilleure que dans le studio que nous avions cours Grand Bêta, qui était étroit et pas très brillant, enfin, de point de vue acoustique. On a pris tout ce qui appartenait à ce privé, enfin, considéré comme collaborateur, etc. On leur a pris leur studio et surtout leur discothèque. Ils avaient une discothèque de 20 000 disques et nous, on n'en avait pas beaucoup. On était bien contents de disposer de tous ces disques. Collection prodigieuse. Allô, allô, ici le service d'information du 6e groupe d'armée. Vous venez d'entendre le dernier communiqué. Fond d'Alsace, Pierre Bourdon vous parle. Au nord de la poche allemande, qui a Colmar pour centre, la division Leclerc, son plan gauche. Nancy, Luxembourg, la voie de la liberté ne passe pas par Strasbourg. Strasbourg, où la radio ne sera libérée que l'année de la capitulation. 19 janvier 1945, 6 mois après Cherbourg. Mais une étincelle d'éternité pour tous ceux qui sont restés sur le bord de la route à vouloir rallumer les voies de la liberté. Pour saluer les neiges éternelles. Mesdames, messieurs, je me trouve actuellement au sommet du Honeck, à 1361 mètres de latitude. Et je vous prie de croire qu'il n'y fait pas très chaud. Le vent souffle, je n'ai pas besoin de vous le dire. Le ciel est à peu près bleu. Dans le lointain, on aperçoit quelques nuages. Je vais faire quelques pas en direction de l'ancienne table d'orientation qui n'existe plus, vers l'ancien hôtel qui a été détruit, et je vais essayer de vous donner une idée du panorama admirable que j'ai devant les yeux. Les voix de la liberté, avec Fernand Le Canut, Roger Sanson, Yvonne Meynier, Henri Delbarry, Roger Pradalier, Charles Mouly, Georges-Emmanuel Clancier, Pierre Cordelier, Maurice Jacob, Luc Gérard et Pierre Dadois. Merci à Charles Mélingue de France 3 Basse-Normandie. Document France Bleu Cotentin Philippe Noir, Archivina Martine Auger et Jeannette Padziarkowski, prise de son Yves Lehors, mixage Guy Senot et Christian Keller, les voix de la liberté Christine Robert, Philippe Modol. Vous venez d'entendre Voyageons en France, présentée par la section des émissions touristiques. Elle vous a fait voyager aujourd'hui par les monts enneigés des Pyrénées, du Massif central et des Vosges. Texte de messieurs Jeff Clermont, Louis Hippot et Georges Géville. Interprété par Berthe Dide, Ginette Dide et Hieronymus. Réalisé par Roger Dattis. Oh! Vous pouvez réécouter ce documentaire de Philippe Modol et Christine Robert sur le site de France Culture, ainsi que les documents rares, bien entendu, les archives ou encore les témoignages qu'il contient. Demain, nous continuerons à explorer la radio de la Libération en recevant avec Anaïs Quien, l'historienne et femme de radio Karine Lebaille, et en commentant avec elle des archives de la Libération de Paris. Comme d'habitude, vous pouvez commenter cette émission et toutes les autres émissions de La Fabrique sur notre site, mais aussi en nous écrivant à fabrique@radiofrance.com, en participant au groupe de La Fabrique de l'Histoire sur Facebook ou en réagissant sur Twitter.